Bienvenue dans ce nouvel épisode des Projets du Web, épisode numéro 9. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Lucas. Salut William, Tu vas bien? ça va, j'ai réglé mes problèmes de wifi, de micro en squattant chez un pote, donc ça Voilà, bah du va. coup, oui, c'est vrai que. On a eu des petits retours concernant le son en stéréo, donc on a réglé ce petit problème qui était un petit peu gênant pour vous. Surtout quand vous avez deux écouteurs et que vous voulez en enlever un. Donc du coup, voilà, ouais, tu veux me dire que pour le micro et le wifi, tu aurais une meilleure connexion et un meilleur son. Donc je pense que ça aussi, vous allez apprécier. Et aussi, un petit changement dans la parution du podcast. On va essayer d'être beaucoup plus régulier et de respecter les dates, comme on faisait avec Mathieu. Donc on va reprendre le rythme, tout simplement, un podcast, donc le premier de chaque mois et de 15. Donc là, ce podcast-là, normalement, vous devez l'écouter si tout va bien, croisons les doigts, le 1er mai, et ensuite s'enchaînera sur le 15 mai, etc., etc. Donc, bah, il est temps de lancer le programme de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de Poot.io, de Incredibox, Caméléon, et nous avons aussi une autre catégorie qui va comporter deux sujets comme projet d'actualité, on les a appelés comme ça. Donc, ces deux sujets qui sont basés sur Google, ce qui nous permettra du coup d'avoir notre débat d'aujourd'hui. Donc, ce sera une très belle transition pour notre débat d'aujourd'hui sur Google. Et donc, on enchaîne avec le premier projet. Et donc, je te laisse commencer, Lucas. Ouais, donc c'est put.io, put.io tout simplement. C'est un espace de stockage basé dans le cloud qui permet donc d'avoir un certain espace selon différentes offres et différents prix. Et en plus, nouveauté, il permet aussi de streamer le contenu justement qu'on a sur dans cet espace de stockage sur un peu n'importe quel device. C'est lui qui s'occupe de convertir au bon format. Et en fait, bon, donc le truc, c'est qu'on a un espace de stockage défini qu'on paye par mois et un certain nombre de gigas de bande passante aussi accepté par mois. La plateforme supporte également le FTP, Direct Download, lien rapide share, etc. Donc un peu tout ce qu'on peut trouver, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, quoi. D'accord. Vas-y, non, vas-y, je t'ai coupé. Par contre, pour l'instant, c'est juste en bêta privée. J'ai pas réussi à avoir les invites. Sont toutes parties sans que j'aie le temps d'en choper une. T'en as chopé une toi ou pas? Non, j'en ai vu qu'il y en avait deux disponibles sur Corben, mais une Ouais, demi-heure après, pareil. il y en avait déjà plus. Ouais, le temps que je rentre chez moi, c'était fini. Donc c'est vrai que c'est parti assez vite. Je pense qu'il y en a certains qui vont aussi l'utiliser comme manière un petit peu illégale, hein, je pense. Mais moi, je vois aussi le côté légal là-dedans, dans le sens où en fait, le streaming pour par exemple l'iPod ou enfin l'iPod, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas une connectivité en 3G, mais du moins pour par exemple l'iPhone ou tout autre mobile qui lit par exemple des formats MP4, en tout cas qui n'a pas le Flash Player, quand on est dehors et qu'on veut regarder par exemple un film, et ben il va streamer directement MP4 depuis son espace de stockage. Donc Puis ça permet aussi de cette pas avoir partie-là le est vraiment garder sur le importante. téléphone, quoi, au moins. Oui, ça permet d'éviter de l'avoir sur son téléphone. Et moi, la partie où j'ai été vraiment le plus impressionné, c'était ça, c'est la capacité de convertir. Il peut aussi extraire des fichiers ou, par exemple, les images. Il peut regrouper les images dans une archive, il peut les décompresser aussi. C'est vraiment une autre étape en fait dans le cloud, parce que généralement, on stocke des fichiers et c'est tout. Tandis que là, on stocke les fichiers et on peut les consulter à distance. On n'a pas besoin de les rapatrier. Ouais. Et Je depuis pense. n'importe quel. Ce qui est bien, c'est que tu peux le streamer depuis n'importe où, quoi, pas que sur ton PC. Exactement. Donc je pense que c'est tout pour ce sujet. Bah ouais, moi j'ai rien d'autre à dire personnellement. Ok, donc on va passer à Google Search Stories Creator. Donc je vais me charger du coup de le présenter. Donc déjà, si vous voulez le tester, c'est youtube.com/searchstories. Donc on mettra dans les notes de l'émission. Et donc peut-être que vous aviez déjà vu cette pub de Google où en fait on voyait tout simplement des recherches sur le moteur. Et c'était donc mis en valeur, il y a un petit peu de musique. Ouais, c'était Parisian Love avec. Voilà. Ouais, ça parlait un peu de Paris, des étudiants avec une petite musique. How to impress a French woman, etc. Donc, au fur et à mesure, quand faisait des requêtes dans Google, on avait une petite histoire qui se créait. Et on va avoir, en fait, Google a mis à disposition le même outil, tout simplement, mais pour qu'on puisse faire à notre tour des petits trucs. Alors, je trouve qu'ils ont un petit peu triché, parce qu'on a testé un petit peu le service, et il y a des vidéos faites par Google, et on a l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes capacités que nous, ils peuvent aller plus loin dans le produit. Beaucoup plus loin, j'ai envie de dire. Beaucoup plus loin, Notamment c'est vrai. sur celle-là, sur le ski, je sais plus le nom, Winter Oui. Game, comme Bah, je ça. vous invite d'ailleurs tout le monde à aller le voir. C'est donc quand vous allez sur Google Search Stories, vous regardez, Juste en dessous. elle est juste en dessous, elle est dans les Accroche principales, principale. Winter Games. Donc c'est celle qui est faite par Google. Elle est vraiment très très belle. On a un moment, tu veux peut-être le raconter sur celle-là? Gros, c'est un petit zoom sur une espèce de street view. Donc en fait, on a un street view qui défile, mais sur une piste de ski. Et c'est énorme. Donc C'est ouais, vraiment bien fait. j'ai trouvé ça super. On a vraiment l'impression que on dévale la pente en fait à la personne, enfin à la place du skieur. Et évidemment, on Mais commence à la base dans le moteur de recherche de Google. Il va aller dans le Google Maps. Et donc c'est vraiment, j'ai trouvé super sympa. ouais, nous on n'a pas le droit de faire ça par contre. Nous, tout ce qu'on peut Non, faire, c'est nous, nous c'est c'est beaucoup choisir plus. quelle requête, quelle recherche on va faire, et puis ça zoome sur les liens proposés et choisir une musique parmi celles proposées dans sur différents thèmes. Mais il y a de quoi bien s'amuser quand même. Parce que voilà, tu as résumé un petit peu, mais c'est vrai que ça se décompose en trois points, grosso modo, la création de l'histoire, on va dire ça comme ça. C'est que le premier, en fait, on envoie des requêtes. Donc, c'est des phrases qu'on peut envoyer donc, dans Google Maps, ou des adresses, du coup. On peut les envoyer sur donc, le moteur de recherche. On a quelques petits services Google comme ça. Et donc, ensuite, la deuxième, on va rajouter de la musique. Donc, il y a un choix qui est plutôt pas mal, je trouve, objectivement. Il est plutôt sympa. On choisit sa musique et ensuite la troisième partie c'est prévisualiser et éventuellement uploader directement sur son compte YouTube puisque évidemment on est directement lié à son compte Google si on le souhaite. Donc on peut publier instantanément. Donc moi bon j'ai pas un très grand talent mais mes vidéos étaient pas terribles terribles. J'en ai fait un sur le podcast Ah mais ouais. Moi j'en toi ai tu fait veux. juste une avec deux amis à une soirée, donc c'était pas grandiose non plus, mais c'était franchement fun. Ça nous a fait passer un bon petit moment. Donc voilà, donc c'est un petit projet que je trouvais assez amusant, c'est plutôt pas mal. Donc on va enchaîner sur Incredibox. Donc c'est un site que tu aimes bien aussi, si je me trompe pas. Oui. Donc Malheureusement. le principe est très très simple, hein. Donc c'est basé sur le beatbox. Et en fait, on a des personnages qui sont à l'écran. Donc c'est une petite animation flash. Et en fait, on a toute une panoplie de Une sons. gamme de son. Des choruses, des instruments, des percus. Et en fait, on sélectionne le son, on le fait glisser sur le personnage, et le personnage va le jouer en beatbox. Et on peut enchaîner plusieurs comme ça, et à On la peut en fin, mettre même beaucoup. Oui, c'est vrai, on peut en mettre plus d'une dizaine, et à la fin, on a quelque chose qui. Moi, je suis assez fier de mes petites créations. Enfin, c'est des créations live, entre guillemets, on peut pas les enregistrer, sauf si on fait tourner un programme à côté, tierce. Ouais. Malheureusement, ouais, c'est vrai qu'on peut pas les enregistrer, C'est ni ça même les qui est sympa. sauvegarder pour les partager. Et petit truc amusant aussi, c'est qu'il y a des petits bonus qui permettent d'avoir un. Bon, je vais appeler ça des refrains, mais qui sont préconstruits. Et j'ai réussi à les. Disons, à les mixer avec ce que je faisais. Je trouvais ça pas mal. Donc voilà, c'est un petit site qui paye pas de mine, qui va passer en version 2 dans pas très longtemps. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a plu. Donc toi aussi, j'imagine que ça t'a. Ouais, j'ai passé mais énormément de temps dessus quoi. Mais ça manque de son quoi, il faudrait qu'il rajoute un petit peu plus de son pour varier les chansons, parce qu'en fait on se retrouve vite à faire toujours la même chose. Ouais, C'est un peu c'est vrai que. dommage. Ouais. Enfin, après, ça, il y a selon les goûts, mais moi, je me suis souvent retrouvé à faire un peu les mêmes styles, quoi. Donc, c'est vrai que. Mais je pense que pour la version 2, ils rajouteront ça. Et donc, on va enchaîner sur Caméléon, si je prononce bien. Et donc, bah, je te laisse y aller. Ouais, donc Caméléon, c'est un espèce de client qui permet de créer des sites web sans toucher au code HTML en fait, de manière what you see, it's what you get. Donc c'est-à-dire on place nos espèces de widgets qui vendent des widgets un peu partout pour donner ce qu'on a envie, et le site web sort directement comme ça. Bon, j'ai pas vraiment de site web donc j'ai pas pu tester, mais tu m'as dit que toi t'avais testé, donc qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai testé un petit peu et j'ai été un petit peu déçu parce que tout simplement, enfin l'objectif, donc si c'est ne pas toucher au code, donc c'est vraiment pour avoir une simplicité dans la mise en page. Donc c'est compatible WordPress hein, pour ceux qui se demandent. Et donc du coup, bah, pour les projets du web qui sont hébergés chez WordPress, donc j'ai essayé un petit peu, mais je l'ai pas trouvé très simple d'utilisation en fait. Ça a été mon petit problème. Vu que c'est à mon avis un projet qui va se concentrer pour des personnes qui n'ont pas spécialement de connaissances, qui veulent pas toucher au code. Mais donc du coup, je pense qu'ils auraient dû mettre plus de simplicité dans leur produit et je trouve que c'est pas ça. Donc en résumé, ce qui manque, c'est une interface graphique un peu plus user-friendly, quelque chose d'un peu plus simple à prendre en main, à utiliser. Et je pense qu'une fois ce détail passé, je pense que ça peut être un très bon produit. Gouvernement Request, donc c'est google.com slash gouvernement request avec À un S. l'anglaise. Il faut l'écrire évidemment à l'anglaise, donc je mettrai dans les notes de l'émission pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc un service, donc toujours de Google, qui permet de voir le nombre de requêtes. On verra aussi celles qui ont été approuvées par les pays pour retirer du contenu, donc par exemple sur Google, ou sur le moteur de recherche en lui-même, hein, Sur leur service, quoi. les images, voilà, Sur sur les tous services. leurs services. Et aussi les données qu'ils ont demandées, le nombre de données demandées. Par exemple, pour la France, on voit qu'il y a 846 data requests et less than 10 removal requests. Ils ont fait 846 demandes de données. Donc, sur des personnes, sûrement, ils nous disent pas sur quoi. Et ils ont aussi, c'est séparé, il faut bien comprendre ça, ils ont demandé à Google de supprimer 10 contenus. Voilà. Et Google a répondu à 66,7%. Faut savoir que ce contenu, en général, c'est sûrement des trucs un peu sensibles. Par exemple, sur Google Maps, ça doit être des plans de prison vus du dessus ou de terrain militaire et tout, qui sont relativement privés quand même. On peut voir que dans certains pays, ils mettent aussi dans quel service ils ont supprimé. Par exemple, au Brésil, on voit que c'est des suppressions de comptes blogueurs, YouTube et tout. Et certains sur ordre de la cour. Donc ils nous précisent vraiment tout, c'est pas mal bien foutu. Mais j'ai plutôt l'impression que, enfin, on peut penser aussi que c'est pour la transparence, mais je pense que c'est plutôt pour dire aux pays aussi, voilà, vous essayez de nous faire passer pour les méchants en disant qu'on connaît plein de trucs et tout, mais en attendant, ils leur rendent quand même plutôt bien service. Alors ça, on voit bien. C'est vrai qu'on en a parlé et je suis assez d'accord là-dessus. J'avais pas vu ce point-là, mais ça me... Parce que moi, je pensais vraiment à la transparence et tu m'as vraiment fait souligner ce point que c'est aussi une façon pour eux de dire, bah regardez, nous, on censure, mais on est vraiment obligé. Là, par exemple, on avait, en Le tout cas, beau petit point condamné. d'interrogation pour la Chine. Oui, voilà. Là, on est condamné, par exemple, par la cour, on est obligé par la justice de le faire. Si ça tenait qu'à nous, on aurait laissé, quoi. Donc, prenez-en plutôt à vos gouvernements, par exemple, respectifs. Et c'est pour balancer, quoi. Et c'est vrai que la Chine a un petit point d'interrogation. Et il précise que la Chine ne veut pas Considère. publier, ne veut pas publier ces données-là parce qu'elle considère que c'est des secrets d'État. Et donc la Chine est le seul pays où on ne voit pas ces statistiques-là. Exactement. Mais après, c'est vrai que aussi c'est un côté quand même un peu plus dans la transparence, je pense quand même, parce que c'est vraiment dire voilà ce qu'on fait avec vos données quand même. Voilà, vous nous partagez vos données avec le dashboard qu'on parlera plus tard, on sait tout, on peut savoir vraiment tout ce qu'ils ont sur nous. Et en plus, avec ça, en gros, ils disent voilà ce qu'on peut en faire de vos données. Donc quand même, c'est pour nous dire faites attention à ce que vous partagez, mais continuez quand même, parce qu'on vous prend pas pour des cons non plus. Donc bon, on peut enchaîner sur le biais d'actualité Google, c'est Google Cloud Print. Donc c'est un service qui va permettre d'imprimer donc depuis n'importe quel appareil, qui possède évidemment une connectivité à Internet, à n'importe quelle imprimante qui va être connectée à ce cloud Ce service de cloud dans le voilà, cloud. ce service de cloud. Donc on voit évidemment que l'objectif c'était pour son Google Chrome OS qui n'avait pas de solution d'impression. Donc là, on aura du coup Google met en avant ce service comme solution. L'intérêt aussi, c'est de se débarrasser des drivers, des pilotes. L'installation qui est souvent problématique. En plus, ça dépend si on a un système d'exploitation, je sais pas, par exemple Mac, peut-être que c'est pas compatible, etc. Oui, toutes les imprimantes ne sont pas compatibles avec Mac. Donc voilà, donc ça c'est en flexibilité, on gagne énormément. Puis de n'importe quel appareil, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais alors, évidemment, ça pose des problèmes toujours de confidentialité. Et donc toi, On si va tu as éviter des sujets là-dessus? d'imprimer ses factures, quoi, déjà. Oui. Faut pas imprimer n'importe quoi. Mais le gros point positif, c'est vraiment de pouvoir imprimer, ouais, de n'importe où. Et par contre, le truc qui est toujours embêtant, c'est qu'on reste dépendant quand même d'un autre ordinateur. On est obligé d'avoir un ordinateur qui permette à cette imprimante justement d'être connectée sur Internet pour pouvoir s'y brancher. Donc si on a une imprimante à la maison, il faut quand même avoir un PC sur lequel elle est branchée. Mais après, ça permet le soir, dans son lit, on veut imprimer un truc, tant qu'on y pense, on l'imprime, le lendemain, on le récupère. Ça peut être vachement Le truc pratique. qu'ils veulent mettre en place, en fait, c'est que j'ai lu ça, qu'ils voulaient mettre un nouveau service directement au niveau des imprimantes qui leur permettait de se connecter elles-mêmes, en fait, et ne plus passer, par exemple, par un Wi-Fi d'un ordinateur ou ce genre de choses, en fait. Les imprimantes, en fait, Ah, étaient sollicitées, se connectaient directement au cloud. Mais c'est pas encore disponible, si je ne me trompe dans pas. ce cas-là, ça peut être intéressant. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui, j'ai vu ça vite fait, que BlackBerry venait de présenter un système apparemment équivalent, mais avec que les imprimantes HP par contre, pour justement imprimer depuis le téléphone sur l'imprimante. Je pense que c'est un peu de n'importe où aussi, mais j'ai pas regardé plus, quoi. J'ai pas eu le temps en rentrant. Ok, bon, bah voilà, t'as rien d'autre à rajouter, quoi, sur Google Cloud Print. Non, je pense que c'est tout. Par contre, je me suis rendu compte quand même, en faisant la wave, bon, on n'a pas parlé de tous les sujets qu'on a émis, mais quand même plus de la moitié concernait Google. Et je suis en train de me demander quand même, mais franchement, Google deviendrait pas un petit peu trop imposant? C'est vrai. Je pense que là, ça va être une parfaite transition pour notre débat Google. Merci, Je pense Lucas. aussi. Donc notre débat Google, donc on va l'axer vraiment sur trois gros points. Donc c'est Google sur le web, donc sa présence sur le web. Google dans la vie réelle, en dehors de son milieu d'origine. Et après, le troisième point va rejoindre un petit peu les deux autres pour faire un petit peu une synthèse. C'est-à-dire un petit peu l'impact de Google donc, sur notre vie ou nos habitudes, les routines sur le web qu'on peut avoir. Et finalement, peut-on s'en passer? Et si oui, quelles sont les alternatives? Donc on va commencer sur Google sur le web. Donc déjà, c'est des services gratuits, généralement de bonne qualité, qu'on peut Simple. centraliser. Oui, Ils vas-y. sont vraiment simples, efficaces, quoi. Ils ont tous une certaine ergonomie. Dès qu'on est devant un produit Google, quand même, on le reconnaît tout de suite. C'est simple, c'est assez rapide à prendre en main. Même Google Wave, qui est super compliqué, finalement, en tapant un peu dedans, en ayant vraiment un vrai intérêt à s'en servir, il est franchement pratique, quoi. Et ça, avec tous les produits. Puis avec un seul compte, on a accès à une multitude de services, genre Maps, les mails. Un téléphone, l'OS Android, les blogs, la recherche, Wave, l'agenda, navigateur et encore plein, plein, plein qui développent constamment, quoi. C'est ça qui est intéressant, ouais, c'est qu'ils sont vraiment tous centralisés, comme tu as cité, un map et tout ça. C'est vraiment. On a vraiment un compte et on a tout. Finalement, une multitude de comptes sous un seul. Bah, du coup, tous ces services-là, quelque chose d'important pour moi, c'est qu'ils utilisent des technologies libres pour la plupart. Bon, évidemment, ils ne dévoilent pas les sources de tout ce qui est AdSense, etc. Mais c'est en même temps, c'est leur monnaie, quoi. Donc on peut comprendre. Mais pour tout le reste, par exemple, pour Google Talk, ils vont utiliser des technologies libres en dessous. Pour Android, on sait très bien que c'est basé sur un noyau Linux. Donc, bah, toi-même, tu le sais, parce que c'est vrai que tu utilises ce système Ouais. d'exploitation-là sur ton téléphone. Et c'est vrai que tous ces services-là donc, sont gratuits, sont de qualité, utilisent des technologies libres, donc ils aident la communauté en redonnant les sources et en les améliorant. Et la chose aussi pas mal, c'est qu'on oublie peut-être un petit peu, mais c'est que leurs services sont en cloud. Et c'est vrai que depuis maintenant, bah, les téléphones qui sont quasi tous en 3G, bon, peut-être pas tous, mais la plupart maintenant, donc de son téléphone partout en France, bah, ou pour la Suisse ou la Belgique ou autre, on peut avoir accès au service Google partout maintenant. On n'est plus obligé d'avoir son ordinateur. Donc Google sur le web maintenant a vraiment une présence assez conséquente, je trouve. Ouais, je trouve aussi, mais justement, un des problèmes de cette, enfin, de ce fait qu'elle soit aussi présente, par contre, c'est qu'on lui donne mais énormément d'informations. C'est vrai. Et franchement, ça fait flipper, quoi, quand on y réfléchit 2 secondes, tout ce qu'ils ont sur nous, waouh, wow, quoi. Ils savent toutes les recherches qu'on fait, tous nos mails, toutes nos discussions. Donc c'est pour ça, après, il faut pas faire non plus n'importe quoi, quand même, dessus. Non, mais je pense que ça, de toute façon, c'est quelque chose sur Internet qui est valable pour tout le monde et pas Pour spécialement Google. tous. C'est-à-dire que quand on est sur Facebook, évidemment, on réfléchit à deux fois avant de remplir tous les champs concernant son nom, son prénom, sa date de naissance. Et évidemment, Mais encore plus attention à si on les rend publics ou pas. Je pense que. l'avantage de Google là-dessus quand même, c'est que avec le dashboard qui nous propose de nous donner en gros toutes les informations qu'ils ont sur nous, ils nous montrent un peu tout ce qu'ils ont et ils proposent un truc qui est franchement bien, c'est l'espèce de suicide numérique, c'est-à-dire de tout supprimer. Après, s'ils le suppriment vraiment de leur serveur ou pas, c'est une autre histoire, mais techniquement, ils le font, quoi. Ils proposent l'alternative, ils sont vraiment transparents sur ce qu'ils font. C'est vrai, ça rejoint un petit peu le projet qu'on a cité un petit peu avant sur le gouvernement Request. Il y a vraiment cette envie chez Google de transparence dans le et on peut pas leur en vouloir là-dessus avec leur devise Don't be evil. Et c'est vrai que avec le dashboard, avec ça, avec le suicide, moi j'ai parcouru un peu le dashboard et c'est vrai qu'ils listent vraiment tous les services Google, et c'est aussi là qu'on prend conscience, qu'on dit, ah tiens, c'est vrai que Blogger c'est Google, YouTube, ah c'est vrai que c'est Google également, et c'est là qu'on prend conscience de tous ces services-là, et c'est vraiment très simple, il y a un petit bouton, et on peut supprimer le compte définitivement, et avec la petite mention cochée, tous les services associés. Et donc c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est de leur part assez intéressant, c'est fair play finalement de faire ce De genre leur de truc. part. Mais par contre, de plus en plus, ils sortent quand même du web pur et dur et ils s'imposent de plus en plus dans la vie de tous les jours quand même. En dehors d'être devant son PC, notamment déjà avec Android, comme on a déjà parlé la dernière fois. Puis tu m'as expliqué aux États-Unis, il y avait des bandes de Wi-Fi gratuits et Oui, dans les tout. services, c'est dans les endroits publics assez fréquentés, pas partout, mais dans les grosses villes, ils proposent des bornes Wi-Fi publiques gratuites, sponsorisées par Google. Donc c'est plutôt pas mal. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai vu aussi dans les aéroports, par exemple, aux États-Unis, qui proposent des. Il y a les endroits, tu sais, quand tu dois passer la nuit dans l'aéroport, ce genre de choses, et ben il y a des sacs de couchage, il y a des petits endroits, et fournis par Google en fait. Ah d'accord. Donc ils ont vraiment cette présence. On n'a pas beaucoup ça en Europe, mais aux États-Unis, ils sont vraiment très très présents aussi sur la vie réelle. Et on en avait parlé aussi entre nous, le côté qu'ils devenaient producteurs et vendeurs d'électricité. Ouais, bon, ils en vendent pas encore. Techniquement, c'est juste pour être auto-indépendant et en même temps promouvoir un peu l'énergie propre. Ça leur permet de baisser un peu leur facture, je pense, parce que quand on voit le nombre de serveurs qu'ils ont, il y avait une stat qui était passée il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça donnait genre 1 million ou 2 millions et c'était juste une estimation. On n'a aucune idée de ce qu'ils ont, mais pour fournir tout leur campus en électricité, ils avaient plutôt intérêt de faire un truc comme ça. Et après, à l'avenir, sûrement, je pense, ça m'étonnerait quand même un petit peu, mais je pense que quand même le but final, c'est de pouvoir en revendre le jour où ils ont vraiment des surplus. Je pense que oui, sur le côté, l'avantage premier pour eux, je pense que c'est vraiment la facture énergétique, là, essayer de la baisser au maximum. Et tu l'as bien souligné, c'est vrai qu'eux déjà utilisent pas mal les énergies renouvelables, mais déjà dans leur campus, si je me trompe pas, ils ont pas mal de choses en énergie renouvelable. Je pense qu'il y a, je me souviens plus c'est sur lequel, mais ils ont tous les toits avec des panneaux solaires dessus. Et ils arrivent à fournir pas mal d'énergie. Et donc ça, c'est. Bah, c'est aussi un bon point, quoi. Je trouve que c'est pas mal qu'ils prennent Mais conscience de ça. la boîte qu'ils avaient rachetée justement pour faire l'électricité, c'était une boîte qui me semble bien spécialisée justement dans l'énergie renouvelable, qui faisait que ça, je crois bien. Donc c'était aussi pour ça qu'ils l'avaient racheté, il me semble. Mais c'est vrai qu'on peut se demander après dans le futur, est-ce que Google va peut-être vendre l'électricité qu'il va avoir en trop? Parce que à un moment, c'est vrai que peut-être que pour l'instant, c'est principalement pour ses campus, mais qui nous dit qu'après. Par exemple, si, je ne sais pas, je dis vraiment quelque chose de gros, mais si un État, par exemple, se dit, tiens, on veut améliorer notre énergie renouvelable, et puis il se trouve que Google en a utilisé pour tous ses campus, et donc du coup, il acquiert une certaine expérience, et bah, peut-être que si ça se trouve, Google va mettre en place pour eux, et finalement, ils vont commencer à se diversifier. Et c'est vers ce côté-là, en fait, que moi, Google m'inquiète un petit peu, Ouais, un pareil, peu à la j'allais dire. Skynet, tu sais, on fait toujours cette référence-là, c'est que. Bah maintenant, on voit des téléphones, on tourne, on voit écrit Google dessus, with Google par exemple pour quelques HTC comme tu me disais. Ouais, comme le mien. On sort, on a une borne Justement. Wi-Fi, on peut avoir un petit peu d'électricité. Enfin, on se dit tiens, c'est vrai qu'ils s'étendent en fait, ils sont plus prisonniers du web. Et je pense que c'est sur ce côté-là que c'est un petit peu effrayant parce que Internet, on arrête de se connecter et puis c'est entre guillemets terminé. Dans la vie réelle, c'est une autre histoire. Ouais, et puis petit à petit, ils vont commencer à nous rendre dépendants, quoi. Parce que je regarde, pour la recherche, j'utilise Google. La recherche d'images, j'utilise Google. Navigateur, maintenant, j'utilise aussi Chrome. J'utilise pratiquement pour l'agenda, bon, comme c'est sur mon téléphone, j'utilise aussi un service Google. Pour les discussions instantanées, encore Google. Franchement, faudrait peut-être commencer à chercher vraiment s'il y a des alternatives ou si c'est vraiment les seuls à proposer tout ça, quoi. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que bah, l'impact de Google du coup sur nos habitudes, est-ce qu'on peut s'en passer et les alternatives? Bah, je me suis posé un petit peu la question. Et bah, on va essayer de regarder un peu ensemble bah, quelles sont les alternatives finalement et est-ce que c'est possible d'arrêter d'utiliser Google? Ben, il y a quelques temps, j'avais lu un article, je sais plus du tout sur quel blog, je rechercherai pour les liens de l'émission, mais il y a un mec justement qui s'était donné comme défi pendant un mois de ne se servir d'aucun service de Google Et donc, au final, en fait, il s'en est sorti très bien. Et maintenant, il est revenu en fait sur les services Google où il était vraiment meilleur que les autres. Et pour le reste, il continuait sur des services alternatifs. C'était un article super intéressant. D'accord, donc en fait, il s'est complètement éloigné donc de la sphère Google. Et au terme de son mois, il a quand même conclu que les services Google avaient une qualité, enfin, Mais sur certains meilleure. services, par exemple pour la recherche, il était retourné sur Google juste pour la recherche parce qu'il trouvait que c'était les plus pertinents dans les résultats. Par contre, pour la recherche d'images, il avait préféré Bing Images, que d'ailleurs j'ai essayé, je trouve totalement moche. Enfin après, les goûts et les couleurs. D'accord. Et c'est vrai qu'en alternative, donc pour le moteur de recherche, donc j'ai regardé un petit peu et bon, Yahoo fait désormais partie de Bing de par le contrat Yahoo Microsoft. Donc la recherche web globalement, maintenant on n'a vraiment plus que Bing et Google, puisque les autres c'est plus souvent des méta-moteurs. On a plus Ouais, vraiment qui marche pas super bien. de vrais moteurs. On a bon pour les maps, donc tu m'en as cité pas mal comme Mappy, MA2PY. Ouais, qui est pas mal connu celui-là, très efficace en fait pour quand on cherche un itinéraire en fait. Et Et il y c'est a vrai que. Via Michelin aussi qui a franchement l'air pas mal, qui a une interface encore plus soignée. Et moi franchement la Via Michelin, on l'a testé juste avant l'enregistrement justement pour chercher un peu des alternatives sur ce côté-là. Et Via Michelin, il m'a franchement bien intéressé. Et moi, Mappy, en tout cas, c'est celui que je classerais en dessous de Google Maps. Hein, parce que. Pas par contre Bing Maps. Bing Maps, j'ai pas trouvé agréable du tout. Il est pas fluide. Parce qu'en fait, sur Google Maps, on a vraiment cette impression de fluidité. Un petit peu comme un iPhone. Ça glisse légèrement quand on pousse. Même quand on lâche, ouais, il continue de glisser un peu. Et sur Bing, c'était vraiment assez saccadé, c'était pas très joli. Par contre, Ouais, ils ça ont une option. saccade. On en avait parlé, on avait trouvé ça plutôt pas mal. C'est une option satellite, mais légèrement aérienne. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est a. prise de vue de photo. Il le présente vraiment comme ça, hein. Voilà. Donc en fait, on a les bâtiments. Alors, parce que c'est vrai que la vue de dessus est pas très pratique sur la vue satellite. Enfin, moi, pour moi, j'ai du mal à me repérer. Tandis que quand je vois un bâtiment de côté, légèrement de dessus, du coup, je visualise mieux du coup comment il est. Et. Pour se repérer, pour passer dans les rues, c'est pas mal. Donc voilà, donc Bing Maps, je trouve qu'il est un peu moins bon. Je pense qu'au niveau de la recherche, Google et Bing sont à peu près pareils. Au niveau des mails de qualité, j'entends, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a pas mal de webmail encore qui existent. Donc pour remplacer Gmail, il y aurait Yahoo Mail et on a dit Hotmail. Donc ça laisse peu de choix quand même. Ouais, mais Hotmail, il est franchement pas bon. Il laisse passer vraiment trop de spam. C'est horrible. Et c'est vrai que Franchement. le problème qu'on va rencontrer, c'est que quand on se sépare des services Google, déjà on a très peu d'autres choix pour l'instant. Après, peut-être que les gens vont se décider à vouloir faire de la concurrence, mais on a très peu de choix et surtout la qualité elle est moins bonne. On a des services quand même de moins bonne qualité Bon, et ça dépend tout, hein. souvent. Par exemple, Vas-y. en gros, WordPress. C'est quand même une plateforme de blog complètement. On a Blogspot, Blogger chez Google et WordPress à côté, disons. Et WordPress est carrément au-dessus. Il propose beaucoup plus de personnalisation. Il est un peu plus professionnel. Donc il y a quand même des alternatives au service Google. Certaines fois de meilleure qualité, des fois non. Mais je pense que pour chaque service, on peut trouver un équivalent. C'est vrai, mais pour cette comparaison-là, c'est vrai de blogueur et de WordPress, c'est vrai qu'ils ont le même but entre guillemets, mais je les catégorise pas vraiment au même endroit. C'est vrai que WordPress est un petit peu différent. Et je dirais que la façon dont on va agencer, dont on va publier, etc. Je pense qu'il est quand même assez différent. Blogueur est vraiment, User-friendly. ouais, voilà, c'est vraiment le côté bon, on fait une page assez bon à son goût, mais après c'est vrai qu'on poste des billets un petit peu comme on posterait des mails quoi. Alors que sur WordPress, il y a vraiment le côté site beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus poussé. Donc l'outil est un peu. Je WordPress, pense que le j'avais eu public un est un peu peu du plus. mal sur Oui, voilà. WordPress, ma première publication, je l'ai pas fini d'ailleurs. Je Il m'en est un peu. rappelle bien. C'est vrai qu'il est un peu plus compliqué à prendre en main. Et donc, ce qu'on a remarqué un petit peu dans notre petite recherche, donc elle n'est pas exhaustive, je pense qu'on a sûrement oublié des services. Mais ce qu'on pouvait On a remarquer. survolé, c'était juste pour l'exemple. Oui, tout à fait. Mais en quittant Google, bah là par exemple, les premières alternatives de qualité qu'on pouvait retenir, bah c'était Bing. Et finalement, Bing, c'est quoi? C'est Microsoft, qui est elle aussi une nouvelle grosse compagnie qui, je pense, souhaite aussi autant se développer Google. Et donc c'est vrai que finalement, c'est dommage de se retrouver à choisir entre Microsoft ou Google pour ses services gratuits. Ouais, donc au final, tu veux dire en gros, c'est Google ou Microsoft. Sur les services Pour les principaux, c'est deux. vrai, de mail, recherche, map, c'est vrai qu'on a réussi à avoir des alternatives, mais elles sont, je trouve, pas aussi complètes, c'est vrai, que le Google Map. Personnellement, justement, moi, via Michelin, j'ai vachement plus préféré. Il propose beaucoup plus d'options, notamment sur donc, les POI, là, les points d'intérêt. Je pense qu'il doit être plus compé parce qu'il est enfin, synchronisé. Il fonctionne aussi avec le guide routier qui fournit. C'est la carte, était franchement pas mal. Hein. Moi, via Michelin, disons que dans les cartes, ça va être mon nouveau préféré, je sens. Conclure, là, on vous a présenté un petit peu des alternatives, donc c'est évidemment pas exhaustif, hein. Je pense que il y a Loin de bien là. loin de là, mais c'est ceux qui nous sont vraiment venus aux yeux, enfin le plus En directement, ouais, voilà, voilà. qui sautent aux yeux et qu'on estime aussi de qualité à pouvoir rivaliser avec les services Google. Sur la question qu'on se posait, peut-on s'en passer? Donc la réponse est oui, il y a des Oui, bien alternatives, sûr, bien sûr. on peut s'en passer. Comme pour tout, il y a toujours des alternatives à tout, hein. C'est le monde merveilleux d'Internet. Voilà, c'est vrai qu'ils ont le monopole, mais on peut s'en passer. Alors après, est-ce qu'on peut s'en passer pour quelque chose de mieux? Actuellement, pour la plupart des services, les services principaux du moins, je Pas trouve pour que tous, c'est assez c'est sûr. difficile. Oui, complètement d'accord. Il y a des services qui sont arrivés en premier et ils ont vraiment innové, ils ont vraiment fait ça bien. Quand on voit juste l'exemple de Map, Big Map a l'air d'être presque un copier-coller, les touches sont placées au même endroit et finalement, il est vachement moins efficace. Moi, je sais que c'est pour le service de mail. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Bah oui, c'est le Gmail. C'est vraiment la qualité du Gmail par rapport à tout ce que j'avais pu tester Ah, avant. J'avais testé à c'est sûr. l'époque Yahoo, Hotmail, ce qu'on propose aussi pour son fournisseur d'accès. Et il n'y a vraiment pas photo sur le Gmail. J'aurais énormément de mal à me passer maintenant de ce service en particulier. Moi, j'avoue que quand je suis passé de ma boîte Hotmail à la boîte Gmail, ça a été une renaissance. Et un dernier détail également, c'est que donc Google gagne de l'argent grâce à la pub, mais dans ses services, par exemple Gmail, moi je vais parler pour celui-là parce que c'est celui que j'utilise le plus, il n'y a pas du tout de pub intrusive. On n'a pas par exemple des publicités attachées à nos mails ou quand on ouvre, on n'a pas un gros bandeau publicitaire. On a vraiment Ouais, cette. ou une pub qui prenne tout l'écran et qui nous oblige Voilà. à soit passer la pub directement, comme sur des sites, par exemple sur Allociné. Chaque fois avant d'accéder au site, on se tape une grosse pub, c'est. Donc je pense que c'est ça la force de Google, c'est que leur business model, donc qu'ils ont gagné avec le moteur de recherche et la publicité, leur permet d'être complètement indépendants et quand ils décident d'aller sur un service, de le faire et de le proposer gratuitement de qualité à tout le monde, eh bien c'est très très dur de concurrencer ça. Je pense notamment au GPS avec Google Navigation. On a vu qu'ils avaient tous perdu en bourse directement à l'annonce de Google Navigation parce que c'est vrai que bah, c'est très difficile de rivaliser quand on est dans notre entreprise, on doit payer des gens pour faire les maps, actualiser les programmes, les GPS. Et pour Google arrive, l'utilisateur, il dit, n'y a pas photo. bah non, c'est gratuit pour nous. Si vous avez un Google Voilà. Android, par exemple, eh bien là, c'est vrai que on peut pas, dans ces cas-là, par exemple, on peut pas s'en passer. Enfin, c'est vraiment une alternative gratuite qui surpasse tout le monde. Donc en gros, la force de Google, c'est un business model pas trop gênant pour les utilisateurs, une prise en main efficace et des services efficaces aussi. Gratuit de qualité. Donc, je pense que moi, personnellement, je ne pourrais pas me passer des services Google. Je sais pas Moi pour non toi. plus, moi non plus, j'ai pas envie de revendre mon téléphone tout de suite. Donc, voilà. Donc en résumé, c'est possible, Mais pas pour moi. mais pas pour nous en tout cas. Bon, ben, en espérant que les problèmes de son ont bien été réglés, que cet épisode a été plus agréable à écouter, et je vous dis au 15. À bientôt tout le monde pour le prochain épisode. On se reverra le 15. Salut Locus! Ciao, Camfis.